إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعم Donc, alhamdulillah, aujourd'hui, on va expliquer parmi les signes du jugement dernier, on est arrivé à expliquer les grands signes du jugement dernier. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, le premier signe qu'on va expliquer aujourd'hui, c'est le signe de l'imam al-Mahdi. Le Mahdi al-Muntazar, celui qui, l'imam ou le dirigeant qui va arriver vers la fin du temps et qui va être bien guidé et qui va établir la justice sur la terre. Donc ça c'est un des signes de la fin du temps. Tayyib. Donc le cheikh il dit, Zuhur al-Mahdi. L'avenue ou l'apparition du Mahdi. Le cheikh dit, Kunna qad zakarna fi ma sabaq al-alamat al-kibar al-mujmala. Wal-an, sanazkuruha mufassalatan awwaluha zuhurul Mahdi. Il dit, le cheikh dit, on a mentionné auparavant des signes du jugement dernier de façon générale. Parmi les grands signes, on en a parlé de façon générale, mais à présent on va les mentionner d'une façon détaillée. Et le premier d'entre ces signes, c'est la venue du Mahdi. Cheikh dit, عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنقضي الأيام ولا يذهب الدهر حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي بأسانيد صحيحة وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن علي وأبي سعيد وأم سلمة وأبي هريرة نعم Donc le chef il mentionne un hadith rapporté selon Ibn Mas'ud, Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, il a dit que le prophète, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit la fin des temps ne va pas arriver tant qu'un homme parmi les Arabes qui fait partie de ma maison, c'est-à-dire de ma descendance, va être dirigeant sur les Arabes. Et son nom correspond au mien, c'est-à-dire Muhammad ibn Abdullah. Son nom va correspondre au mien. Ça c'est un hadith rapporté par Abu Dawud et Tirmidhi et Ahmad. Et il y a des versions de ce hadith aussi dans Sahih al-Bukhari. Et dans une des versions de Sahih al-Bukhari, il y en a un qui dit « يَمْلَأُ الْأَرْضِ قِطًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ جُورًا وَظُلْمًا » Il va remplir la terre de justice et de droiture comme elle a été remplie d'injustice et de d'oppression. Donc Al-Allama As-Safarini, le cheikh, il mentionne par la suite ses paroles et il dit: وقد تكاثرت الروايات والآثار بأمر المهدي. Donc les versions et les hadith et les différentes citations des salafs au sujet du Mahdi est une chose qui a été rapportée de façon très nombreuse. Par la suite il dit: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الأحاديث التي يحتج بها على خروج المهدي أحاديث صحيحة رواها أبو داود والترمذي وأحمد وغيرهم. انتهى. Donc Ibn Taymiyyah a dit les hadiths qu'on utilise comme preuve pour montrer que le Mahdi va venir sont des hadiths authentiques rapportés par Abu Daoud, At-Tirmidhi, Ahmad et d'autres. Ça c'est la fin de la citation de l'imam Ibn Taymiyyah. Par la suite il dit وَاسْمُ الْمَهْدِي مُحَمَّدِ بْنُ عَبْدُ اللَّهِ مِنْ وَلَدِ الْحَسَنِ بْنُ عَلِي بْنُ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه يخرج في آخر الزمان وقد امتلأت الأرض جورا وظلما فيملأها عدلا وقسطا. Donc le Cheikh Al-Fawzan dit que le Mahdi, son nom sera Muhammad ibn Abdullah, Muhammad fils Abdullah, il fait partie des fils de Al-Hassan, des descendants de Al-Hassan ibn Ali ibn Abi Talib رضي الله عنه. Et il viendra vers la fin des temps, alors que la terre est remplie d'injustice et d'oppression, et lui, il va la remplir de droiture et de justice et de... pardon? Non, ça va. Ouais, descendant de Al-Hassan ibn Ali ibn Abi Talib. Donc le cheikh, il dit: قال العلامة السفاريني قد كثرت الأقوال في المهدي حتى قيل لا مهدي إلا عيسى، والصواب الذي عليه أهل الحق أن المهدي غير عيسى، وأنه يخرج قبل نزول عيسى عليه السلام، وقد كثرت بخروجه الروايات حتى بلغت حد التواتر المعنوي، وشاع ذلك بين علماء السنة حتى عد من معتقداتهم. انتهى. العلامة السفريني في عهد قرى Un livre de l'islam, il a écrit un livre sur l'aqida. Ok? Et ce livre a été expliqué par plusieurs des ulama. Puis c'est pour ça que le cheikh Al-Fawzan, il cite ses paroles, les paroles de ce savant, qui a écrit l'aqida sur la. Qui a expliqué l'aqida de Ahl Sunnah al-Jama'a. Et il dit, Al-Safarini, il dit, les paroles au sujet du Mahdi sont très nombreuses. Au point, à un point tel que certains ont dit que le Mahdi c'était seulement Isa, c'est-à-dire le Mahdi ça va être Jésus. Mais, le cheikh dit, mais la vérité à ce sujet-là, c'est que, et la vérité sur laquelle yani, Ahlul Haqq, les gens de la vérité, Ahlul Sunnah, yani, c'est-à-dire la position d'Ahlul Sunnah là-dessus, c'est que le Mahdi c'est pas Isa. Et que il va venir avant que Isa descende. Et le cheikh il dit, Safarini il dit que les versions et les narrations au sujet du Mahdi ont atteint un niveau de tawatur al-ma'nawi, tawatur al-ma'nawi. C'est-à-dire qu'elles sont rapportées par un nombre très très très très grand de différents sahaba et dans plusieurs hadiths. Mais pas nécessairement au sens du nombre de textes. C'est-à-dire, c'est pas le même hadith sur le Mahdi qui est rapporté par un grand nombre de sahaba, mais différents hadiths qui ont des significations qui parlent du Mahdi. Hein. C'est dans la signification. Dans le sens que, peut-être qu'un hadith a été rapporté sur un autre sujet que le Mahdi, sauf que dans le hadith, il y a mention du Mahdi. Donc c'est une preuve également. Donc c'est dans la. Il y a deux façons qu'un hadith peut être mutawatir, soit par son texte ou soit par sa signification. Donc c'est dans ce sens-là qu'il est mutawatir. Et on a expliqué la dernière fois que la division des hadiths en mutawatir et ahad, c'est-à-dire mutawatir, ceux qui sont rapportés par un grand nombre de sahaba, et ahad, ceux qui sont rapportés par un ou deux sahabi. Donc on a dit que cette division-là, ça a été innové, c'est une bid'ah dans l'islam. Ça a été amené par les Mu'tazila, la secte des Mu'tazila, qui ont dit que c'est seulement les ahadith, ils ont dit que les ahadith mutawatir seulement, ils ont dit que les ahadith ahad sont les seuls hadiths qui peuvent, Al-Mu'tazila ont dit que les ahadith ahad ne peuvent pas être utilisés comme une preuve dans le domaine de la croyance. Et ils ont dit que pour qu'un hadith soit une preuve dans la croyance, il faut qu'il soit mutawatir. Donc, ça, c'est ça la bid'a qu'ils ont amené, et les ulama d'Ahl Sunna les ont réfutés et ont montré que les ahadith ahad, même s'ils sont rapportés par un ou deux sahabis, sont aussi également des preuves dans la aqidah, tant qu'ils sont authentiques. Donc, on n'a pas le droit de refuser un hadith, même s'il est rapporté par un petit nombre de sahaba, tant qu'il est authentique, on est obligé de l'accepter, même dans l'aqida ou dans les ahkam, sans distinction. Et cette bid'a qu'ils ont inventée, c'est parce qu'ils veulent placer les principes de leur manhaj de bid'a au-dessus de du Coran et de la Sunna, dans le but de renier ou de rejeter ce qui est clair dans la sharia. Donc, après avoir expliqué ça, le chef il dit que les narrations puis les hadiths qui ont été rapportés au sujet du Mahdi sont très répandues et elles ont été rapportées par les ulama d'Ahl Sunna et à un point que ça fait maintenant partie de leur aqidah. Donc, dans les livres qui ont clarifier la croyance des gens de Ahl Sunna wal Jama'a, on retrouve souvent la mention de qu'on doit croire en l'imam al-Mahdi, c'est-à-dire on doit croire qu'il va venir vers la fin des temps. Et une des raisons pourquoi ils ont mentionné ça dans l'aqida de Ahl Sunna wal Jama'a, c'est parce qu'il y a des gens de bid'a qui ont refusé de l'accepter. Et c'est donc pour spécifier, pour clarifier la aqidah qu'ils ont ajouté ça dans leur aqidah. Comme par exemple aussi, il y a des principes même de fiqh qui ont été rajoutés par les a'immah de Ahl Sunna dans leur aqidah. Comme par exemple, la question de passer la main mouillée sur les bas au lieu de laver les pieds au complet dans le wudu. Eh bien, parmi les a'immah, parmi les imams d'Ahl Sunna wal Jama'a, il y en a des imams qui ont mis ce point-là parmi les articles de la aqidah de Ahl Sunna wal Jama'a, parce qu'il y a certains parmi les gens de bid'ah qui ont refusé cette règle ou cette pratique. Comme par exemple, les Shia, Rafida, ils n'acceptent pas al-Mas'h al-Khufayn. Donc, les ulama, ils ont mis ça dans leur aqidah pour montrer que ça fait partie des choses qu'on accepte, et ça a été rapporté dans plus de 40 hadiths. Il y a mis la question de passer les mains sur les bas. Donc il n'y a pas d'excuse pour ceux qui veulent le rejeter. Ça c'est juste en passant. Dans la suite, le chef il dit, « أقول قد انقسم الناس في أمر المهدي إلى طرفين ووسط » Ça c'est l'imam al-Fawzan, Cheikh al-Fawzan qui dit, « Les gens se sont divisés au sujet du Mahdi en deux extrêmes et un juste milieu. » Donc le cheikh il dit, « الطرف الأول من ينكر خروج المهدي مثل بعض الكتاب المعاصرين الذين ليس لهم خبرة بالنصوص وأقوال أهل العلم وإنما يعتمدون على مجرد آرائهم وأقولهم. » Premièrement, la première extrême, c'est la position de ceux qui ont rejeté la venue du Mahdi. Il cite comme exemple certains écrivains contemporains parmi les islamistes ou certains auteurs sont pas des savants de l'islam, mais qui écrivent sur l'islam, les chefs ils disent, et ce sont ceux qui n'ont aucune connaissance ou aucune expérience dans les textes du Coran et de la Sunna et des paroles des ulama, Ahlul Ilm. Et ils se basent uniquement sur leurs opinions personnelles ou sur leurs raisons. Ils ne rejettent pas cette chose-là avec aucune preuve. Et l'autre extrême, le chef il dit, طرف الثاني من يغالي في امر المهدي من الطوائف الضاله حتى ادعت كل طائفه لزعيمهم انه المهدي المنتظر فالرافضه تدعي ان المهدي هو امامهم المنتظر الذي ينتظرون خروجه من السرداب ويسمونه محمد بن الحسن العسكري دخل السرداب سامرا طفلا صغيرا منذ أكثر من 1000 سنة وهم ينتظرون خروجه والفاطمية يزعمون أن زعيمهم هو المهدي وهكذا كل من أراد التسلط والتغلب على الناس وخداعهم ادعى أنه المهدي المنتظر كما أن من أراد الدجل والاحتيال من الصوفية ادعى أنه من أهل البيت وأنه سيد. Donc le deuxième extrême parmi les gens au sujet du Mahdi, c'est ceux qui ont exagéré au sujet du Mahdi parmi les sectes et les groupes égarés, au point de vouloir prétendre, ou au point que chacun d'entre ces groupes prétende que leur chef ou leur imam était le Mahdi qu'on attend. Comme Ar-Rafida par exemple, ils ont prétendu que leur imam, Muhammad ibn al-Hassan al-Askari, était le Mahdi al-Muntazar. Il est né il y a plus que 1200 ans, d'accord, selon eux. Et à l'âge de 5 ans, il est entré dans une grotte. Et depuis ce temps, il est là dans la grotte et ils attendent sa sortie. Il est entré dans un état d'invisibilité, il est devenu invisible à l'âge de 5 ans et il est parti se cacher dans cette grotte et il croit que vers la fin des temps, il va sortir de cette grotte et il va venir établir la justice sur la terre. Donc ça c'est leur akida et ça a été rejeté, parce qu'on sait très bien que cette chose-là n'a aucune référence ni aucune preuve ni dans le Coran ni dans la Sunna. Par la suite, le chef mentionne un autre exemple. Il dit, Al-Fatimiyya, yaz'umuna anna za'imahum huwa al-Mahdi. Le chef dit également Al-Fatimiyya. Al-Fatimiyya croit que leur chef ou leur imam était le Mahdi. Et quand le chef parle des Fatimiyya, je ne sais pas si vous connaissez les Fatimides. C'était une dynastie qui a régné en Égypte, mais pas uniquement en Égypte. En fait, pour expliquer l'affaire un peu plus en détail, il parle le chef parle d'un des égarés, qui est un des malahidas, qui est une des personnes complètement déviées, qui s'appelait Ubaydullah ibn Maymoun. Ubaydullah ibn Maymoun al-Qaddah. Il est né en 259. Il est mort en 322. D'accord? Et son origine est une origine juive. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est un juif. Fait partie d'une secte. Ubaydullah ibn Maymoun al-Qaddah. Ok? Il fait partie d'une secte déviée. Qui se couvre sous la couverture du chiisme, c'est-à-dire qui se font passer pour le chiisme, alors qu'en réalité, ils cachent une aqida beaucoup plus déviée et beaucoup plus égarée que la croyance des chiites. C'est-à-dire, aqida, on les appelle, ces gens-là, al-batiniya, ou al-batiniyoun. Ce sont des gens qui croient que le Coran, tout dans le Coran, a un sens caché, et un sens apparent. Donc, n'importe quoi que tu trouves dans l'islam, tu peux pas le comprendre tel quel. Il y a un sens caché à ces textes-là que seuls les initiés à leur texte peuvent comprendre. Et ces gens-là croient qu'il n'y a aucune chose qui est haram et qu'il n'y a que tout est halal. Et ils croient aussi que tous les ordres et les obligations dans l'islam ont un autre sens que le sens que ce que les gens pensent. Donc, selon eux, selon leur explication, ces gens-là, la prière qu'on fait 5 fois par jour, ce n'est pas la prière, c'est un autre sens. Ce n'est pas ce qu'on pense. Et le jeûne, c'est pas de s'empêcher de manger ou de dormir, de manger ou de boire ou de faire des rapports sexuels avec sa femme dans entre le lever et le coucher du soleil, mais c'est plutôt de cacher les secrets de leur groupe. Ça, c'est pour eux, c'est ça le jeûne. Ou bien des choses de ce genre. Il n'y a pas de donc ils ont un sens caché à toute interprète. Ils interprètent l'islam d'une façon complètement ésotérique, ça veut dire un sens caché. Ouais, ils appellent al-batiniyya. Batiniyoun. Batiniyoun, on peut dire aussi ésotérique, les sectes ésotériques. D'accord? Ces gens-là, c'est surprenant par contre aussi que ces gens-là, donc comme on a dit, c'est un descendant lui d'un juif. Il s'est fait passer pour un musulman, puis ensuite il a prétendu être un descendant de Fatima et de Ali, alors qu'il n'a aucune relation avec eux-mêmes dans son origine. Mais il a réussi à prendre le pouvoir au Maroc, en Égypte, dans le Hijaz, c'est-à-dire dans la partie ouest de la péninsule arabe, c'est-à-dire la Mecque et Médine. Ces villes-là, et aussi en Palestine, en Syrie, et au nord du Maroc, okay, et même au Yémen. Donc, ces gens-là ont réussi à prendre le pouvoir dans tous ces pays-là. Okay. Et c'est durant leur règne qu'il y en a un d'entre eux même qui avait volé la pierre noire, qui l'avait amené avec lui, jusqu'en Irak, je crois. Et puis, ils ont cassé la pierre. En tout cas, finalement, les musulmans l'ont repris, puis ils l'ont ramené à sa place. Mais, c'est pour dire. Et puis, il y en a un parmi eux, lorsqu'ils sont entrés à la Mecque, ils ont commencé à tuer les gens et à massacrer les gens. Il y en a même un qui est monté sur la Kaaba, commencé à dire des insultes, puis inciter leur poème pour nier Allah subhanahu wa ta'ala et puis inciter l'islam et tout ça. Donc c'était des grands ennemis de l'islam. Et durant, subhanallah, c'est eux qui ont fondé Al-Azhar en passant. L'université Al-Azhar aujourd'hui, ça a été fondé par ces gens-là. C'est eux qui ont écrit durant leur règne en Égypte, le règne des Fatimides. Ceux qui ont fondé, ceux qui ont écrit le livre de Ikhwan al-Safa, les frères de la pureté. C'est des gens aussi qui se basent sur la philosophie grecque. La philosophie grecque pour interpréter le Coran et la Sunna. Et ils attribuent à leurs dirigeants la divinité. Comme ils croyaient parmi certains d'entre eux qu'on appelle les Druzes, et les Nusayriya qui attribuent à leurs dirigeants la divinité comme Al-Hakim bi Amrillah, aussi les Ismaïlites, enfin, les Ismaïlites font partie des Batiniya. Tous ces groupes-là, les Druzes, les Nusayriya, les Ismaïliya et tous ces autres groupes-là sont des apostats, sont des kuffars, sont en dehors de l'islam complètement. D'accord? Il y a les Fatawa, des Ulama, comme Ibn Taymiyyah dans son Majmu' al-Fatawa. Il a expliqué que ce sont les kuffars et beaucoup d'autres aussi parmi les ulama et ils font partie de ce qu'on appelle al-zanadiqa, les hérétiques, les déviés. Ils cachent par contre leur vraie croyance, les musulmans. Ils ne viennent pas ouvertement avec ces choses-là. Tandis qu'ils savent que c'est un risque pour eux de les dévoiler, ils les gardent cachés. Donc, ça c'est un peu de leur croyance. Et donc, celui-là, Ubaydillah ibn Maymoun, les dirigeants, à un certain moment donné, il y a eu une dynastie qu'on appelle l'Ubaydiyya. C'est eux qui ont dirigé une partie du nord de l'Afrique. À un certain moment donné, on l'appelle Ubaydiyya à cause de celui-là, Ubaydillah ibn Maymoun. Donc, lui, il s'est prétendu être le Mahdi. D'accord? C'est pour ça que on mentionne l'exemple de celui-là. Puis, celui qui a réussi à enlever ou à détruire le règne de ces gens-là, c'était dénommé Salah ad-Din al-Ayyubi. Salah ad-Din al-Ayyubi. C'est lui qui a réussi à les enlever du pouvoir avant de combattre les chrétiens et les juifs qui avaient été, ou les chrétiens qui avaient réussi à reprendre ou à prendre la Palestine. Donc Salah ad-Din al-Ayyubi, il a commencé par combattre ces hérétiques-là, il les a écrasés en Égypte, puis au nord de l'Afrique, puis par la suite, il a écrasé les chrétiens, il les a chassés de des terres saintes. Non, en fait, Salah ad-Din, il avait été éduqué sur la aqida Abul Hassan al-Ash'ari, donc sur la aqida al-Ash'ari al-Kullabiyya, comme on avait expliqué ça déjà. Il avait été éduqué sur cette aqida-là. C'est là-dessus qu'il a grandi, et c'est cette aqida-là qu'il avait enseigné à ses petits-enfants. Donc tous les descendants de Salah ad-Din étaient des Ash'ari, et c'est eux qui ont fait, ils ont été une des grandes causes dans la propagation de la aqida ash'ariya dans le monde musulman. Donc ils avaient cette bid'a. Toutefois, ils ont quand même du fait qu'ils ont combattu ces hérétiques là et qu'ils ont chassé les chrétiens des terres saintes et tout ça. Donc alhamdulillah, on les remercie pour ça, mais par contre c'est vrai que ils avaient d'autres bid'a aussi dans leur aqida en ce qui concerne les attributs d'Allah et les ta'wil et toutes ces choses-là. Donc, ils n'étaient pas complètement corrects. Toutefois, comme après, qu'est-ce qui est arrivé? Après Salah ad-Din, il y a eu un autre qui venait du nord du Maroc, qui s'appelle Mohammed ibn Toumar. Ok, Mohammed ibn Toumar, mais du nord de l'Afrique, dans les régions du Maghreb. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti en Asie, en Orient, et il est allé étudier avec certains des chiots. Parmi eux, il a étudié avec Abu Hamid al-Ghazali, celui qu'on appelle al-Ghazali. D'accord? Al-Ghazali qui avait étudié la philosophie et qui était rentré dans le soufisme par la suite, et qui était sur la aqida des Ash'ara, et qui est un des plus grands un des grands savants parmi la secte des Ash'ara, et qui est glorifié par et vénéré par plusieurs parmi les soufis et parmi les gens des Ash'ara. Donc Ibn Toumar a étudié la aqida Ash'ariya avec Al-Ghazali, puis il est retourné par la suite dans des parties du Maghreb pour répandre cette aqida. Et les gens ont commencé à croire qu'il est le Mahdi. Et lui, il faisait propager cette rumeur parmi les gens que c'était lui l'imam Mahdi. D'accord? Donc les gens commençaient à le suivre. Et toute personne, il a écrit un livre sur cette aqida al-Ash'ariya, et il a commencé à la propager parmi les gens du nord de l'Afrique. Les gens du nord de l'Afrique, jusqu'à cette époque, ont toujours été sur la aqida des salafs, la aqida de l'imam Malik. Hein, on sait tous que lorsque l'homme est venu voir l'imam Malik pour lui demander comment Allah s'est élevé au-delà du trône, il a répondu en disant que al-istiwa, c'est-à-dire c'est connu dans la langue arabe, que Allah, al-istiwa, ça veut dire s'élever au-dessus de quelque chose. Il a dit donc al-istiwa ma'loum, c'est une chose connue, ou al-kayf majhoul, le comment, on ne sait pas. Comment Allah s'est élevé, on ne sait pas. Ou al-iman bihi wajib, c'est obligatoire de croire en ça. Ou al-su'alu anhu bid'ah, c'est une bid'a, c'est une innovation de demander ça. On n'a pas le droit de demander des choses comme ça à propos d'Allah. Donc, on affirme les attributs tels que Allah se décrit. Et on n'essaie pas de nier ou déformer leur sens sans preuve, ni sans référence. Donc, ça, c'était la aqidah de l'imam Malik et de tous les autres a'imma, et c'est la aqidah de Al-Sunnah al-Jama'ah. Donc, ça, c'était la aqidah des gens du nord de l'Afrique et des pays musulmans avant l'introduction de Ibn Tumar au nord de l'Afrique, de cette bid'a al-Asha'ira. Donc, lui, il est entré et toute personne qui contredisait sa aqidah ou sa croyance, il était tué. Il faisait tuer toute personne qui s'opposait à lui, dans sa croyance. Donc c'était une personne vraiment extrémiste, une personne qui a vraiment fait, massacré et tué des milliers et des milliers d'êtres humains pour cette bid'a qu'il a amené. Et les gens croyaient en lui comme étant le Mahdi, un homme qui était comme infaillible. Certains d'entre eux croyaient qu'il était infaillible et qu'il était obligatoire de l'obéir. Et puis, c'est donc pour ça que, par la suite, ceux qui l'ont succédé ont pris les armes et ont conquis tous les pays du Maghreb et jusqu'en Espagne. Et c'est eux qui ont fondé la dynastie des Mouahidoun. Les Al-Mouahidoun, qu'on appelle. Ils sont qui veulent dire en fait les unificateurs. Okay, donc c'est cette dynastie-là qui a introduit cette aqida au nom du Maroc. Donc c'est pour dire que lui aussi il s'était prétendu être un Mahdi et il a vécu entre l'an 485 jusqu'à 524. Non, 485. Ah, mais bon, voilà. Mais en cette période-là, quand même, il a réussi à faire beaucoup de désordre sur la terre. Et il y a aussi celui qui est venu récemment là, en Inde, Ghulam Ahmad. Récemment, ben, je dis peut-être, ça fait peut-être 200 ans, Ghulam Ahmad. Quand je dis récemment par rapport aux autres, il y a relativement. Il s'est prétendu Mahdi, être un Mahdi lui aussi à un certain moment donné. Dr. York, Dwight York, aux États-Unis, qui a prétendu lui aussi être un Mahdi, et d'être la deuxième venue de Isa, et qui a prétendu aussi être l'incarnation, non, il a prétendu être la deuxième venue de Jésus, et qui a prétendu aussi être le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui a prétendu par la suite être un prophète. En tout cas, il a réuni toutes les formes d'égarement, cet homme-là. Et son nom, le nom de son groupe, c'était Ansarullah. Et puis, ils étaient assez répandus à New York, puis dans certaines villes américaines. Il se tenait au bord des routes dans la rue aux États-Unis, puis il nous avait des tables avec des parfums, puis il vendait des parfums, puis des livres, des choses comme ça au bord de la route, où il mendiait, des choses comme ça. Donc celui-là, il y en a parmi les chouyours qui ont écrit des livres pour réfuter ces égarements. Puis, alhamdoulilah, il y en a beaucoup qui ont compris par la suite, et donc étant donné que son histoire était devenue claire, il a été obligé de changer le nom de son groupe. Maintenant ils sont devenus les Black Jews, ils sont devenus maintenant, ils ont changé complètement la secte, c'est devenu les Juifs Noirs. Hein? Donc maintenant ils ne sont plus musulmans parce qu'il n'y a plus de mal, ils n'ont plus de moyens de se camoufler, donc ils ont innové ou changé leur image pour changer de l'amistad. C'est un vrai shaytan. Après, il y a eu aussi le Mahdi au Soudan. lui aussi qui pendant la colonisation des Anglais, il est sorti puis il appelait les Soudanais à la révolte contre les occupants. Et donc il y en a parmi ses fidèles qui ont cru que c'était lui El Mahdi. Puis aussi il y a en général il y en a beaucoup parmi les soufis qui pensent que ils ont certaines caractéristiques du Mahdi ou je sais pas quoi, mais il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que le Mahdi c'est un être humain ordinaire, il n'a pas de révélation, c'est pas un prophète. La seule chose c'est qu'il va venir et qu'il va juger, qu'il va diriger en justice, avec la justice, et qu'il va établir la justice sur la terre. Donc c'est pas une chose que quelqu'un peut prétendre dans le but d'essayer de montrer qu'il a un pouvoir qui est plus haut que les autres, qu'il est quelque chose de mieux qu'il est plus élevé que les êtres humains en général, ou qu'il a un pouvoir spécial. Non, Allahu a'lam. Mais il faut dire, on va le reconnaître par les signes. Hein? On va le reconnaître par les signes. C'est pas le Mahdi, qu'est-ce que ça veut dire le Mahdi? Ça veut dire quelqu'un qui est guidé. Ça vient de l'Huda. L'Huda, l'Hidaya. Mahdi, c'est quelqu'un qui est guidé. Donc, bien guidé, bien guidé. Pas mal guidé. Sinon, il n'est pas mal guidé. Inch'Allah. Donc, Alhamdulillah. Oui. Le Dajjal, on va y arriver, mais il y a une chose qu'il faut comprendre à ce sujet-là, qui est-ce qui va venir en premier, qui est-ce qui va venir après, c'est que ces grands signes-là, ils se suivent très très près. Et en fait, ils arrivent presque tous en même temps. Donc c'est pour ça que ils s'en sont entre eux mêlés. C'est pour ça que, par exemple, Al-Mahdi, il vient en même temps que Isa. La preuve, c'est que Isa va prier derrière Al-Mahdi. Et puis, Isa va tuer le Dajjal. Donc Dajjal va venir. Ouais, c'est ça. Donc, allez, on va arriver. On va y parler, Inch'Allah. C'est pour ça que le chef, au début, au dernier cours, on disait que ces signes-là, ils vont se suivre comme les perles d'un collier. Lorsqu'on coupe la corde du collier, les perles, elles sont toutes une après l'autre. C'est comme ça qu'elles se suivent. D'accord? Donc, oui. Donc, comme le cheikh par la suite, pour terminer tous ces détails qu'on vient de rajouter, c'est que le cheikh, il dit, chaque fois que quelqu'un parmi ses menteurs et ses égarés, vient pour essayer de tromper les gens, eh ben, il se donne ce titre de Mahdi pour essayer d'épater les gens, pour les amener à le suivre. Un peu comme par exemple les soufis, hein, lorsqu'ils veulent essayer de tromper les gens et d'essayer de les amener vers leur innovation et vers l'égarement, ils prétendent qu'ils sont des descendants du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, qu'ils sont soit des Ahlul Bayt ou bien qu'ils sont des Ashraf ou qu'ils sont des choses de ce genre, dans le but d'amener le respect des gens envers eux, puis de les exploiter, puis de les dévier du droit chemin. Et ça, il y a beaucoup d'exemples de ça dans les pays musulmans, wallahu musta'an. Par la suite, le cheikh il dit, wa amma al-wafaq fi amr al-mahdi, fa hum ahl al-sunnah wal-jama'a, alladhina yuthbituna khuruj al-mahdi, ala ma taqdi bihi al-nusus al-sahiha, اسمه واسم أبيه ونسبه وصفاته ووقت خروجه ولا يتجاوزون ما جاء في الأحاديث في ذلك ولخروجه أمارات وعلامات تسبقه ذكرها أهل العلم. Donc le chef il dit, en ce qui concerne les gens du juste milieu au sujet du Mahdi, ce sont les gens de Ahlus Sunnah wal Jama'a, et eux ils affirment la venue du Mahdi comme ça a été expliqué dans les textes authentiques, et au sujet de son nom, au sujet du nom de son père et de sa généalogie. Et ils affirment également ses caractéristiques et le temps de sa sortie, au moment, à quelle époque il va sortir. et il ne dépasse pas ce qui a été rapporté dans les hadiths à ce sujet-là. Et il y a des signes et des choses qui vont se produire avant sa venue. Et les gens de science les ont mentionné, ces signes. Donc ça, c'est des explications du chef Al-Fawzan. Puis là, il cite par la suite l'imam Al-Safarini. Il dit « قال العلامة السفريني قد كثرت الأقوال في المهدي حتى قيل لا مهدي إلا عيسى والصواب الذي عليه أهل الحق أن المهدي غير عيسى وأنه يخرج قبل نزول عيسى عليه السلام وقد كثرت في خروجه الروايات حتى بلغت حد التواتر المعنوي وشاع ذلك بين أهل السنة حتى عد من معتقداتهم إلى أن قال وقد روي عن من ذكر من الصحابة وغيرهم من ذكر منهم رضي الله عنهم بروايات متعددة عن التابعين بعدهم ما يفيد مجموع العلم القطعي فالإيمان بخروج المهدي واجب كما هو مقرر عند أهل العلم ومدون في عقائد أهل السنة والجماعة. Donc il reprend une citation qu'il a mentionnée plus tôt, puis il ajoute à cette citation, et il dit que les paroles au sujet du Mahdi sont très nombreuses, et il y en a qui disent que le Mahdi c'est Isa, mais la vérité au sujet de ça c'est que Isa et le Mahdi sont deux personnes différentes, et que le Mahdi va sortir avant Isa, avant que Isa descende. Et il y a beaucoup de narrations au sujet de la sortie du Mahdi, au point que ça atteint le niveau de tawatur. Et il dit que ces narrations-là sont répandues parmi les ulama d'Ahl Sunnah, et que ça fait maintenant partie de la aqida d'Ahl Sunnah wal Jama'a de croire en ça. Le cheikh il dit par la suite que ça a été rapporté par un grand nombre de sahaba. Et plusieurs d'entre eux ont rapporté ces différentes narrations-là. Et aussi, ça a été rapporté par les tabi'in, ceux qui les ont suivis, ceux qui ont suivi les sahaba. Et ça nous donne une connaissance sur laquelle il n'y a aucun doute. Et donc, c'est clair que c'est obligatoire de croire que l'imam Mahdi va venir. Et ça, c'est une chose qui a été affirmée et établie par les savants, et que c'est documenté, et que ça a été écrit dans les livres des croyances de Ahl Sunnah wal Jama'a. À la suite, le chef il dit, وقال السفاريني في بيان سيرته, قال أهل العلم, يعمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم, ولا يوقظ نائما, يقاتل على السنة, لا يترك سنة إلا أقامها ولا بدعة إلا رفعها يقوم بالدين آخر الزمان يقوم بالدين آخر الزمان كما قام به النبي صلى الله عليه وسلم يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويرد إلى المسلمين ولفتهم ونعمتهم ويملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجوعا. Donc il cite l'imam al-Safarini qui dit que les savants ont dit que l'imam al-Mahdi va appliquer la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il ne va pas réveiller celui qui dort. Ça c'est selon les narrations qui ont été rapportées. Il ne réveillera pas celui qui dort. Il va combattre selon la sunna. Il va faire le jihad selon la sunna. Il ne va pas laisser aucune sunna sans qu'elle soit établie et aucune bid'a sans qu'elle soit rejetée ou enlevée complètement. Il va anéantir les bid'a. Il va venir vers la fin des temps et établir la religion comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'avait établi à son époque. Il va casser les croix et tuer les porcs et il va ramener l'unité des musulmans et leur bonté, il va leur remettre leur grâce, toutes les bonnes choses qui leur avait été enlevé. Et il va remplir la terre de justice comme elle avait été remplie d'injustice et d'oppression. Ensuite, le cheikh dit, وقال في وصفه أيضا ثم يخرج رجل من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مهدي حسن السيرة يغزو مدينة قيصر وهو آخر أمير من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يخرج في زمانه الدجال وينزل عيسى بن مريم. الشيخ عندي ك au sujet de la description du Mahdi, qu'il sera un des hommes de la descendance de la maison du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un homme bien guidé avec une bonne histoire, une bonne biographie, c'est-à-dire il aura une bonne conduite, yani une bonne ligne de conduite. Il va combattre la ville de Caïsar, la ville de César. Il va prendre la ville de César. Il va l'envahir. Rome. Non. Caïsar, c'est Rome. وهو آخر أمير أمة محمد صلى الله عليه وسلم. Ce sera le dernier des dirigeants de la Umma de Muhammad صلى الله عليه وسلم. Il va venir à l'époque du Dajjal. Et Isa ibn Maryam va descendre à son époque aussi. Après il dit, وقال العلامة المرعي المرعي في كتابه فوائد الفكر عن أبي الحسن محمد بن الحسين أنه قال قد تواترت الأحاديث واستفاضت بكثرة رواتها عن المصطفى بمجيء المهدي أنه من أهل بيته وأنه يملك سبع سنين وأنه يملأ الأرض عدلا وأنه يخرج مع عيسى ويساعده على قتال على قتل الدجال بباب لد أرض فلسطين وأنه يؤم هذه الأمة وعيسى يصلي خلفه يعني صلاة واحدة وهي الفجر انتهى. Donc le cheikh c'est encore une fois une citation d'un autre des ulama dans son livre فوائد الفكر, c'est un cheikh qui s'appelle Al-Mur'i ou Al-Mar'i, selon Abi al-Hassan ibn Muhammad al-Hussein, qui dit que les hadiths au sujet du Mahdi sont très nombreuses et qu'elles sont répandues. Il y a beaucoup de narrateurs qui les ont rapportées. Selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au sujet de la venue du Mahdi, et qu'il fait partie de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il va régner pendant 7 années, 7 ans. Il va remplir la terre de justice, et il va venir avec Isa, à l'époque d'Isa, et il va l'aider à combattre le Dajjal à un endroit qui s'appelle Bab-Lud, sur la terre de Palestine, et il va guider la prière de la Umma, et Isa, alayhi salam, va prier derrière lui, une prière, la prière de Fajr. Donc, dans une des prières, il va prier derrière, Isa va prier derrière lui, et c'est la prière de Fajr. Et dans un hadith, le prophète صلى الله عليه وسلم dit, ينزل عيسى بن مريم فيقول المهدي صل بنا فيقول لا. عيسى va descendre et le Mahdi va lui dire, prie pour nous, guide-nous dans la prière, et عيسى va refuser, il va dire non. C'est la Umma de Muhammad صلى الله عليه وسلم, et donc moi je ne suis là que pour suivre, pas pour guider. Quelque chose de ce genre. ذلكم هو المهدي الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين صفاته الفارقة ووقت خروجه وسيرته. Donc le chef dit ça, c'est la description du Mahdi tel que le prophète صلى الله عليه وسلم l'a décrit et l'a expliqué, et le temps de sa sortie et son exemple de sa vie, qu'est-ce qu'il va faire durant sa vie. Et donc, encore une fois, le chef, il mentionne, il dit, وَقَدْ دَعَ الْمَهْدِيَ جَمَاعَةً مِنَ الضُّلَّالِ فِي وَقْتٍ مُبَكِّرٍ عَنْ وَقْتِهِ وَلَا تَنْطَبِقُوا عَلَيْهِمْ صِفَاتَهُ وَإِنَّمَا أَرَادُوا بِذَلِكَ التَّغْرِيرِ بِالسُّذَّجِ وَاسْتِغْلَالُ ادِّعَاءِ هَذِهِ الشَّخْصِيَةِ لِمَطَامِعِهِمْ الْخَاصَّةِ فأظهر الله كذبهم وفضح باطلهم ولا تعجب فقد ادعى قوم النبوة وافتروا على الله الكذب ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء نسأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الحق الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه ويكفينا شر الأئمة المضلين والمختالين والدجالين والحمد لله رب العالمين. Donc le chef nous dit qu'il y a des gens parmi les égarés, des groupes parmi les égarés qui ont prétendu être des Mahdis. Depuis une époque depuis une époque très tôt dans l'histoire de dans l'histoire de la Ummah. Non, pas du l'aube, mais Moubakir. À une période très courte de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est tout ce que le point c'est ça. Ouais, depuis les premiers temps, il y a une époque très rapprochée du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais les caractéristiques du Mahdi ne s'appliquaient pas à eux. Ils n'ont voulu par cela qu'essayer de tromper certains parmi les naïfs. Et d'essayer de profiter de cette personnalité, ou d'utiliser ce titre dans le but de satisfaire leurs intérêts personnels. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait montrer par la suite leurs mensonges et Allah a démasqué leurs faussetés. Et le chef dit ne sois pas étonné. Parce que d'autres parmi les gens ont même prétendu à la prophétie. Il y en a même qui ont prétendu être un prophète. Alors ne sois pas étonné de voir que certains essaient de se faire passer pour un Mahdi. Et ils ont inventé un mensonge contre Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, et qui est plus injuste que celui qui invente un mensonge au sujet d'Allah, ou qui dit, j'ai reçu une révélation alors qu'il n'a reçu aucune révélation ou que rien ne lui a été révélé. نسأل الله أن يرينا الحق حقا. On demande à Allah qu'il nous fasse voir la vérité comme telle, c'est-à-dire comme étant la vérité, et qu'il nous donne, qu'il nous donne la capacité de la suivre, et qu'il nous montre le mensonge comme tel, comme étant un mensonge, et qu'il nous donne la capacité de s'en détourner et qu'il nous épargne du mal de ces guides de l'égarement, dans l'égarement, yani des chefs de l'égarement et des menteurs et de ces faux prophètes, etc. Et toute la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbil Alameen. Donc, de voir. Je pense qu'on va arrêter ici aujourd'hui. Parce que il y a après Ad-Dajjal. Khuruj Ad-Dajjal, c'est le prochain sujet. Puis après, c'est la descente de Isa ibn Maryam. Et après, Khuruj Ya'juj wa Ma'juj. Puis après, Khuruj Dabba, la sortie de la bête. Le monstre qui va sortir de la terre. Et selon Shams min Maghribiha, la levée du soleil de l'Orient, de l'Ouest, par l'Ouest, et ensuite la, la sortie des gens de la Syrie et la souffler dans la trompette, etc. Donc ça c'est tous les autres signes qui vont suivre dans les semaines à venir, Inch'Allah. Mais donc aujourd'hui on va s'arrêter ici, puis la semaine prochaine on va continuer avec le Dajjal, Inch'Allah. Donc puis demain on va continuer avec Usul al-Sunna de l'Imam Ahmed, Inch'Allah. Donc Alhamdulillah Rabbil Alamin, Barak Allahu Fikoum. Et ça n'a aucune valeur. Aucune valeur. Exactement. Ouais. Tout le bien qu'il a fait n'aura aucune valeur. Parce qu'il n'a pas cru en Allah. C'est vrai. C'est vrai. Non. Même Cheikh Ibn Baz, il a mentionné dans un de ses livres une fois un vers dans une poésie qui dit. Et là, tout le monde me souvenait, je me disais لا يبلغ العدو من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه. C'est-à-dire, ton ennemi ne peut pas te faire plus de tort que ton ignorant. C'est-à-dire, on peut traduire de cette façon-là. Mais l'ennemi n'est pas capable de te faire plus de tort, autant de tort que toi-même tu peux t'en faire à cause de ton ignorance. Donc c'est ce qui se passe aujourd'hui. Subhanallah. Tu as vécu le hadith de l'homme qui a tué 100 personnes dans son corps et que le 99 lui a demandé quel est j'en ai tué 99. Est-ce que j'ai une repentance? J'ai une repentance. Par son ignorance, il a dit non. Ouais, exactement. Et donc, il a été la cause. Il a été la propre cause de sa mort à cause de son ignorance qui s'est fait tuer. Alors que s'il aurait eu la connaissance, ce serait pas fait tuer. Hein? Exactement. Donc, alhamdulillah, yani, subhanallah. On demande à Allah qu'il nous donne l'ilm, parce qu'on sait que l'ignorance, c'est, ça fait partie des signes du jugement dernier. Hein? De la shirat al-sa'a. أن يرفع العلم ويظهر الجهل أو يثبت الجهل. Donc, partie des signes, des plus grands signes de la fin du monde, c'est que la connaissance va être enlevée et les gens vont être dans l'ignorance. Exactement. Ils élèvent tout. Et ça c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les ignorants ont fait d'eux des grands hommes. Et les grands ulama, quand ils meurent, on voit qu'ils leur donnent un petit carré, là, dans un article de journal. Quelques lignes, là. Un tel parmi les ulama est mort. Mais c'est une vedette. De rock ou une vedette de musique ou un acteur ou un dirigeant pervers meurt, on fait sur lui une grande page, la une du journal. Donc on voit comment les médias donnent peu d'importance à l'islam ou au ulama. Et là je parle pas des médias chez les musulmans. Je parle des médias chez les musulmans. Allah Mustahar. Exactement. Là, c'est la demande. Ouais. Mais il y a aussi le fait que, si par exemple, on ne parle pas des. Si les médias parlaient plus ou donnaient plus d'importance aux ulama, peut-être que ça aurait un impact sur la population. Du fait qu'ils commenceraient eux aussi à donner plus d'importance aux ulama. Mais étant donné qu'ils ne le font pas, donc la place est donnée aux ignorants. On va arrêter ici. Pour le temps, les hadas, wa astaghfirullah li wa lakum, fastaghfiruh, innahu wa al-ghafur al-rahim, wa alhamdulillahi rabbil alamin.